pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julie Aminte. Deuxième épisode, idéal communautaire versus singularité créatrice. Jean Rouault a eu 18 ans en 1970. Et ce n'est pas rien quand on traîne derrière soi des valeurs pieuses, un père mort, une enfance triste et pluvieuse, accompagnée d'un désir d'écriture encore indéfini. Alors ce nouveau monde qui s'amorce s'avère à la fois grisant et intimidant. On a envie d'en être. On laisse pousser ses cheveux, on apprend la guitare, on compose des chansons, on enchaîne les petits boulots, on parle de révolution, mais certains blocages perdurent, quoi qu'on fasse. Décidément, notre bagage de naissance a la vie dure. Dans le premier volet de sa vie poétique, « Comment gagner sa vie honnêtement », publié aux éditions Gallimard en 2011, Jean Rouault revient sur l'impact qu'a eu l'époque sur son parcours d'homme et d'écrivain en formation. Un parcours traversé de tentations salvatrices, mais aussi de tiraillements pas toujours faciles à assumer. C'est notamment le cas lorsqu'au cours de ses vacances universitaires, tandis qu'il parcourt la France en autostop, le jeune Rouault va effleurer l'idéal communautaire, mettant ainsi à l'épreuve et sa pudeur chrétienne et sa croyance en la singularité créatrice. Les Cévennes et les Pyrénées ariégeoises, qui avaient connu un surpeuplement à la fin du XIXe siècle, où les gens allaient pieds nus par tous les temps avant qu'ils ne se débandent vers les faubourgs pour échapper à la misère, étaient des terres riches en granges et maisons ruinées. Elles attiraient en priorité les candidats migrants, sensibles à la beauté du paysage, et qui ignoraient alors que si on avait fui tant de beauté, c'est que les conditions pour y vivre étaient rudes. Mais en étant attentif, on pouvait en dénicher un peu partout. Les cousins du Midi avaient ainsi trouvé la perle rare sur une colline au-dessus d'Aix-en-Provence, dont on pouvait admirer le soir, assis sur le siège des WC dans les toilettes sans porte, les clignotements de lucioles dans la vallée à travers les pins parasols. Préparés par leur père à l'esprit de révolte, soucieux de réparer les injustices du monde, les fils de Georges avaient naturellement pris le mouvement en marche et s'y trouvaient comme des poissons dans l'eau. Eux et leurs amis étaient étudiants, ou du moins pour certains faisaient semblant de l'être, qui s'inscrivaient chaque année dans une discipline différente, lettres modernes, sociologie, psychologie, histoire, sans avoir l'intention de devenir quoi que ce soit. Uniquement afin de bénéficier des avantages liés aux études. Le restaurant universitaire, la protection sociale et la réduction accordée par la carte étudiant pour les places de cinéma. Il est dommage qu'aucun parmi ceux-là n'ait songé à se faire romancier. Ils auraient eu bien plus de choses à raconter que moi, qui, au final, en mettant bout à bout les séjours que je passais avec eux, n'aurais partagé leur quotidien que quelques semaines, quand ils expérimentaient à l'année un autre genre de vie où nombre se sont perdus. D'autant plus dommage qu'il se trouvait parmi eux de formidables conteurs. D'une aventure minuscule comme des courses au supermarché, c'est-à-dire comment passer à toute vitesse avec son chariot plein devant la caisse, en criant au voleur et en poursuivant son camarade, puis de le glisser, le chariot, dans la camionnette, à l'aide d'une planche inclinée, avant de démarrer en trombe sur le parking, il faisait une odyssée irrésistible de drôlerie. Je me souviens d'une autre séquence où il tenait à 4 ou 5 sur un dériveur dont aucun n'avait la maîtrise. Le dériveur avait été ramené par eux, de je ne sais où, emprunté d'autorité, bien sûr, et aurait-il rapporté un deltaplane, il se lançait dans le vide. La mer se creusant au fil du récit, il nous semblait, à les entendre, être embarqués sur le radeau de la Méduse, avec fusées de détresse et scènes de cannibalisme, alors qu'en réalité, ils étaient à 5 mètres de la plage. Il y avait aussi des morceaux de bravoure qui, d'une fois sur l'autre, se gonflaient d'un chapitre, comme l'inusable traversée du Maroc, où les couples se formaient et se reformaient à l'arrière d'une deux-chevaux camionnette, tandis que le chauffeur évitait les nids de poules sur les pistes, tout en gardant un œil dans le rétroviseur intérieur, surveillant la place qu'il occupait 10 kilomètres plus tôt. À mes yeux, ils étaient l'esprit de la jeunesse. Ils avaient la liberté de corps et de pensée, l'art de l'amitié, la fantaisie, les tablés sous la tonnelle, l'audace, un sens de la débrouillardise qui ne les voyait jamais démunis, toujours à recomposer avec 3 carcasses une voiture presque neuve, levant des murs, fabriquant de faux papiers, cuisinant des mets succulents avec des riens, et pour quelques-uns, improvisant au piano. Il me semblait qu'on ne pouvait pas espérer mieux de cet âge, que la jeunesse, ce devait être exactement ça, et certainement pas ce que les bien-pensants en attendaient. Des jeunes gens bien coiffés, sages comme des images, et prêts à reprendre les affaires paternelles. Dieu sait si je les enviais, si j'enviais ce degré d'insolente liberté, tellement loin des préceptes rigoureux et sans joie de mon enfance. Pourtant, à aucun moment, je ne me serais inséré dans leur groupe ou un autre. Ce n'était pas tant l'idée qui me gênait, simplement une quasi-impossibilité de m'intégrer. Ma place dans un groupe, je l'ai souvent remarqué, je la trouve à la périphérie. Comme si j'avais besoin d'un foyer à distance dont j'apercevrais les flammes, mais sans chercher à m'approcher plus près, me contentant d'une couverture jetée sur les épaules, de la pénombre et des échos assourdis de la liesse. Heureux de savoir que d'autres en profitent quand je ne me sens pas disposé à cette joie collective, ce qui me dispense aussi de danser autour du feu. Ensuite, braise éteinte, profitant d'un effet de fronde provoqué par les hasards de la vie ou une nouvelle quête, je me projette vers d'autres planètes et m'en retourne à ma solitude. Cette tension entre l'idéal communautaire qui était la figure imposée du temps et l'affirmation d'une singularité qui vous classait aussitôt parmi les ennemis du peuple n'était pas non plus évidente à vivre. Toute prétention à se distinguer était assimilée à une volonté de puissance, ce qui me ramenait encore à mon éducation où on nous apprenait l'art de raser les murs, surtout ne pas se faire remarquer. Dieu n'aime que les derniers, les trop petits pour voir le défilé. Les temps changeaient, mais les fondamentaux restaient. Il était périlleux de prétendre avoir un talent, ou plus grave, un don, qui relevait quasiment de l'élection divine. Il fallait s'en tenir à un homme comme tous les hommes, à chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Évidemment. Quelle question. Comme si l'égale valeur de la vie n'était pas la donnée première. Mais pour autant, même au paradis des travailleurs, tout le monde n'était pas Mozart. À se demander même si cet enseignement massif de la musique, qui servait à vanter les mérites du système soviétique, n'était pas une manière d'assassiner Mozart. Alors, tous des Mozart ? J'avais été peiné d'entendre, lors d'un débat à la faculté, un intervenant, au nom de ce nivellement emprunté aux gardes rouges en uniforme de cheminot, avancer cette idée que serrer un boulon ou composer une fugue de Bach, c'était la même chose. On pouvait comprendre, au choix, qu'il s'agissait de faire de tout ouvrier un artiste, en réévaluant sa fonction, ce qui déjà disait le peu d'estime qu'on en avait. Ou bien qu'il était insupportable que certains eussent ce talent que d'autres n'avaient pas. Talent qu'aucune fortune, aucun savoir-faire, aucune formule révolutionnaire, aucune transformation du monde ne pourrait inventer à partir de rien. Serrer le boulon, j'avais appris à le faire très jeune dans l'atelier de bricolage de mon père. Pourtant, jamais je n'avais éprouvé cette émotion brutale qui m'inonda de larmes à l'écoute du second mouvement du concerto pour deux violons du maître de Leipzig. Quand les deux violons ressemblent à un couple de patineurs sur glace, se livrant à des arabesques, chacun de son côté sur le miroir blanc, puis dans une boucle tangentielle se retrouvent, tournent ensemble, s'étreignent. Puis l'un laisse filer l'autre, qui profite de cette liberté pour dire son bonheur d'être. Puis à nouveau, les courbes qui se frôlent, s'en mêlent, s'écartent, jouent à se poursuivre, se rattrapent, s'enlacent, puis s'arrêtent brusquement, après une ultime pirouette ascensionnelle de l'un lancé vers le ciel, qui retombe ivre de joie entre les bras de l'autre. Je ne parvenais pas à le dire, manquant de cette force que j'enviais à certains. Mais secrètement, je pensais que non seulement ce n'était pas du tout pareil, mais que ce déni volontaire, cette façon de privilégier la sueur contre l'inspiration, n'avait d'autre fonction que d'éliminer les poètes. Or, j'avais d'autant plus de mal à revendiquer une singularité poétique qu'elle n'avait pas de visage, et se contentait d'une affirmation sans preuve. Il me semble pourtant que j'affichais déjà ma prétention, qu'il était entendu que ma vie serait poétique ou ne serait pas. Je le vérifiais pour moi seul quand, certains soirs, au milieu de mes amis d'été, passaient sous mon nez diverses substances sur lesquelles tous se jetaient goulûment et que je dédaignais, sûr que mon imaginaire était plus puissant que ses expédients. C'était de cet imaginaire, dans sa nudité et par ses seuls moyens, que j'attendais le salut, et non d'artifices qui m'auraient renseigné sur leurs propriétés chimiques, mais pas sur mes capacités créatrices. Car c'était aussi au nom de la création que les jeunes gens se livraient à ces altérations délibérées de la conscience. Il s'agissait, selon eux, d'atteindre à des degrés supérieurs de l'esprit. Mais en l'occurrence, il n'était pas besoin d'être grand critique pour constater que les dessins exécutés sous LSD, dans la certitude d'un geste créateur génial, se révélaient, à la sortie de la transe, de simples gribouillis. Ce dont les artistes, dépités, convenaient sans peine. Ce qui les gênait d'autant moins que ces expériences inspirées et peu convaincantes devenaient la matière de nouveaux récits hilarants. Quant aux accords de guitare, plaqués au milieu d'un nuage de marijuana et qui faisaient se prendre le musicien pour Jimi Hendrix, je jouais suffisamment bien alors pour savoir à quoi m'en tenir. Lors d'une de mes descentes dans le sud et en autostop, j'avais été recueilli par une communauté de la Haute-Loire, au-dessous de Saint-Étienne, après m'être arrêté la veille à Thésée, où l'esprit œcuménique m'avait poussé à repartir dès l'aube sur les routes, décontenancé par ces visages béats, chantant la gloire du Seigneur, une bougie à la main, même si au milieu se mêlaient quelques parasites dans mon genre. Nous étions à Pâques, et le froid était vif, surtout dans ces régions, et j'avais dormi sous une grande tente où étaient alignés, comme dans un dortoir, des dizaines de lits de camp. Après une journée de pousse-pousse, c'est-à-dire de saut de puce d'une voiture à l'autre, jusqu'au paysage rugueux de la Haute-Loire, j'avais été heureux d'être ramassé par l'habituel camping-car, de retour d'une décharge publique, où ces deux occupants chevelus avaient fait leurs emplettes, et au milieu desquels, une vieille cuisinière, une chaise bancale, des sacs remplis de pommes de terre, j'avais été convié à me chercher une place. Comme la nuit tombait et que je faisais semblant de leur demander, en utilisant le tutoiement de rigueur, s'ils ne connaissaient pas un lieu où passer la nuit, ils m'avaient gentiment invité. Pour accéder à leur grande maison, au milieu de nulle part, il fallait quitter la route départementale et s'engager par un chemin de terre dans la montagne, jusqu'à un village abandonné. Les amortisseurs du camping-car avaient cessé depuis longtemps d'amortir, et déjà je m'inquiétais à l'idée de rejoindre à pied la grand route. mais il m'assurait que le lendemain, il me conduirait jusqu'au marché de je ne sais quelle commune plus huppée, où l'un d'eux essaierait de vendre l'argenterie de sa grand-mère. Où je compris que le travail n'était pas la valeur dominante, là non plus. La haute maison de pierre était entourée de dépendances ruinées, qui donnaient un aspect fantomatique à l'endroit. Mais je me souviens, après avoir aidé mes hôtes à décharger leur butin dans un cellier, de l'enivrante odeur de bois et de cendres quand je pénétrai dans la pièce à vivre. Elle était meublée d'une longue table de ferme, de bancs, de fauteuils défoncés, de placards récupérés, le même mobilier que l'on retrouvait chez tous les marginaux et chez mes amis d'été. Et d'une vaste cheminée ancienne où crépitait un grand feu. Posant mon sac, je ne pus faire autrement que de m'en approcher et me frotter délicieusement les mains, comme Jules Berry dans Les Visiteurs du soir, mais sans faire de commentaires. Si j'étais fasciné par cette danse des flammes, c'est que le feu de bois avait disparu de nos vies. Il renvoyait à un passé obscur. La grande majorité des foyers s'étaient dépêchés, au nom de la vie moderne, de boucher les conduits de cheminée et se félicitaient de n'avoir qu'un bouton à tourner pour chauffer toute la maison. Ce sont ces jeunes romantiques en quête d'une nouvelle vie qui ont réinventé le feu de bois. Avec ce paradoxe, la critique du progrès rejoignait la réaction et sa nostalgie. Mais il y avait aussi une raison pratique à ce retour au mode ancien de chauffage. Les maisons réquisitionnées pour les besoins de cette révolution néolithique étaient dépourvues de confort. On n'y trouvait ni eau courante, ni électricité. Dans la grande bâtisse, l'éclairage était assuré par des bougies, dont un chandelier d'argent, provenant sans doute du pillage d'une église. Mais un état provisoire, cette pénombre. Ses occupants envisageaient devant moi de tirer une ligne à partir d'un pylône planté en contrebas. Il suffirait de deux cosses de batterie, connectées sur les plots, et on s'éclairerait à volonté et à très bon marché. Risque nul, personne ne montait chez eux. Leur seul problème, c'était de dénicher un chantier ou réquisitionner 200 ou 300 mètres de câbles. Non, personnellement, je n'avais pas d'idée. En revanche, ils ne prévoyaient rien pour amener l'eau, qui continuerait de se prendre au puits ou à la rivière. Posé au pied de l'évier d'ardoise, il y avait deux jerricanes pour la vaisselle et la toilette. Après avoir avalé en commun une grande marmite de riz complet et de champignons séchés, à la place du dessert, on fit circuler des herbes du cru que je passais à mon voisin, sans prélever ma part. Ce qui les étonna, car d'ordinaire, ce n'était pas le genre de choses qui se refusaient. Mais je ne pouvais m'imaginer faire sérieusement ce geste grave et vaguement ridicule de cacher la cigarette dans la conque de mes mains et d'inspirer profondément en conservant la fumée le plus longtemps possible dans les poumons. Ma participation au mouvement s'arrêtait là. Impossible de jouer. Quand la cérémonie fut achevée, une fille, aux cheveux longs, lunettes sur le nez, qui avait mis de l'eau à chauffer dans la cheminée, s'approcha de l'évier d'ardoise, se débarrassa sans gêne apparente de sa longue robe indienne violette, et entreprit de se laver à l'aide d'un gant, ne négligeant aucune partie du corps. Et comme elle avait placé une lampe à pétrole sur la crédence, on voyait l'ombre de ses bras se lever alternativement sur le mur. J'en conclus qu'il serait inutile de s'inquiéter de la salle de bain. N'étant pas doté d'un semblable naturel, je me contenterai donc pour cette nuit de me brosser les dents et d'un voile d'eau sur le visage. La nudité était un test, l'un des rites de passage les plus difficiles à affronter, surtout pour un natif de l'Ouest, au col de chemise boutonné jusqu'à la glotte, qui ne se souvenait pas d'un seul décolleté de femme dans son enfance. Tout juste ce qui l'avait choqué de sa mère, sortant de sa chambre en combinaison. Mais apparemment, il n'y avait pas que les tribus catholiques du bocage à redouter les tourments de la chair. La télévision d'État, et le mot n'est pas trop fort, quand on sait qu'il y avait un ministre de l'information qui demandait chaque soir à lire le contenu du journal télévisé avant sa diffusion, imposait un petit rectangle blanc au bas de l'écran du téléviseur pour mettre en garde les spectateurs contre une bretelle de soutien-gorge glissant sur un bras ou le dos vertigineux d'Angie Dickinson dans Rio Bravo, nous priant ainsi implicitement de baisser les yeux au moment où nous entrions en communion avec le plus beau secret du monde. Plus encore que l'apologie du vol ou du haschich, la nudité était un manifeste, le signe de l'émancipation du monde corseté, pudibond, inquisiteur. Elle était l'étendard sans voile de la Révolution. Mais de là à évoluer dans le plus simple appareil et m'inquiéter comme si de rien n'était à qui le tour pour la vaisselle, je ne me sentais pas prêt. Même si tous n'étaient pas aussi désinhibés qu'ils le laissaient paraître, le défi était trop grand pour moi qui acceptais tout juste de retrousser mes manches. Pour les bains de minuit, ce qui arriva au moins une fois et dont j'ai gardé un souvenir cuisant de gêne, j'eus la ressource de prétexter ne pas savoir nager, ce qui n'était pas non plus un aveu commode. Mais bien sûr, ça n'était pas une raison. Tu peux avancer jusqu'à la taille. On ne se rend même pas compte qu'on entre dans l'eau tellement elle est chaude. Et c'était vrai, puisqu'il s'agissait non de mon Arctique Atlantique, mais de la Méditerranée en été. Et je sentais bien que ce bain sous la lune renvoyait à l'innocence des premiers matins du monde. Mais je n'avais d'autre moyen que de m'entêter dans une soi-disant peur phobique de l'eau, tandis que volaient les habits de cotonnade légère autour de moi et que de cavalcades de corps nus se précipitaient vers la mer. Entre deux hontes, je choisissais la confession la moins douloureuse, ne pas savoir nager. Comme un petit animal sacrifie une patte pour échapper aux mâchoires d'un piège d'acier. J'ai traîné longtemps cette infirmité de mon enfance où le corps était nié et la chair dénoncée comme la source de tous les péchés. Nous avions bien appris qu'au commencement, le Verbe s'était fait chair, mais uniquement, semblait-il, pour vivre l'apothéose du martyr, pour que les bourreaux aient de quoi démembrer, dépecer, éventrer, écarteler, et les lions de quoi manger. Sinon, comme le disait le sorti de la tombe, le matin de la Pâque, ne me touche pas. C'était Pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julia Mint, lu par Jean-Damien Barbin, avec la voix de Fanny Marie. Musique additionnelle à la guitare, Christophe Rodomisto. Deuxième épisode, Idéal communautaire versus singularité créatrice. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Comment gagner sa vie honnêtement, de Jean Rouault, est publié aux éditions Gallimard.